Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de cette soirée du 1er octobre 2018. En voici les grandes articulations. L'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, plaide pour le respect de la loi en ce qui concerne le fonctionnement des ONG étrangères et pour la création d'un climat d'entente entre elles et l'État du Burundi. Et c'est la journée internationale dédiée aux personnes âgées. Un psychologue connaissant bien leurs conditions de vie suggère la construction de centres d'accueil de cette catégorie de gens à travers le pays. Et un monument de victimes de 1972 fait polémique. La commission Vérité et Réconciliation dit ne rien savoir. Des pancartes ayant été mises sur les fosses communes de Nyambeho en commune Guiheta, alors que le gouverneur de Gitega recommande que ces pancartes soient enlevées. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya appelle au respect de la loi en matière de fonctionnement des organisations non gouvernementales opérant au Burundi. Il réagit ici à la mesure du Conseil national de sécurité de suspendre pour 3 mois les activités des ONG à partir de ce lundi 1er octobre. Pour lui, il faudrait qu'il y ait un climat d'entente entre l'État burundais et ses ONG. Il estime par ailleurs que ce ne sont pas en tout cas toutes les organisations qui travaillent en dehors de la constitution burundaise et de la loi régissant les ONG étrangères. Suivez l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya. Il faudrait évaluer quelles sont les organisations non gouvernementales qui s'y sont conformées et donc qui n'ont pas de problème avec cette loi. Parce que je n'ose pas croire que toutes les organisations non gouvernementales vivant dans ce pays travaillent en dehors de cette loi. En deuxième lieu, il faudrait voir celles qui n'ont pas respecté cette loi. Pour quelles raisons? Il y en a qui peuvent avoir un besoin de délai de grâce pour pouvoir évoluer. Il faudrait leur accorder, à mon avis. Enfin, on peut déceler des organisations non gouvernementales qui sont effectivement à côté de cette loi, qui travaillent contre cette loi. Voyons par exemple, si je me réfère même à ce qu'a dit le porte-parole du président de la République, qui a dit qu'il y aurait, je dis bien qu'il y aurait, parce que on n'en a pas signalé pour que je sois sûr de ça, qu'il y aurait, qui travaillerait, par exemple, en injectant des virus ou des maladies pour pouvoir demain écouler les médicaments. Il a parlé d'organisations qui pourraient intervenir dans la déstabilisation. D'ailleurs, sur ce côté-là, nous les Burundais, en tout cas, en tant que Burundais, j'exige de mes institutions qui sont chargées de me protéger, de nous dire qui, de manière claire, pour qu'on sache qui. Et le camp échéant appuyait fortement notre gouvernement parce qu'à Sombara, nous sentions que nous tous, nous sommes menacés par ça. Mais s'il n'y a pas de précision, c'est la confusion et la confusion ne travaillerait pas pour l'intérêt de nous les Burundais, mais pour autre chose. Voilà donc un schéma qui pourrait être emprunté parce que nous gagnons à ce qu'il y ait des relations harmonieuses entre nos institutions et ces organisations gouvernementales. Voilà, c'était l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya. Et la réunion du ministère de l'Intérieur avec ces ONG qui avait été reportée se tient demain au même endroit, c'est-à-dire à l'hôtel Source du Nil. Et cette invitation est signée le ministre de l'Intérieur. Et dans la suite de ce journal, certaines personnes âgées indiquent qu'ils font face à un manque criant d'assistance humanitaire. Elles indiquent n'avoir n'office qu'un seul membre de famille qui leur viendrait en aide et certains deviennent mendiants dans des milieux urbains et la plupart dorment à la belle étoile devant les magasins. Ceux qui ont de la chance voient des gens qui les récupèrent et les confient aux propriétaires des maisons qui prennent en charge les vulnérables. Ceux-ci sont pris en charge par une famille Cisaro Hero en commune urbaine de Mukaz. Suivez. Le chef de famille, là où j'étais logé, m'a dit qu'il allait réhabiliter sa parcelle. Il m'a amené ici à Bujumbura. J'ai passé un mois chez lui. Par après, il m'a informé qu'il allait rejoindre sa famille au Canada. Avant de partir, il m'a laissé dans cette famille qui s'occupe des vulnérables. Mmh. Je m'appelle Jean Barimibara. Je suis de Kiganda, en province Muramvya. Je suis âgé de 120 ans. Ce sont les gens de la rue qui me donnaient à manger. Ce sont les mêmes gens qui me montraient où dormir pendant la nuit. C'est quelqu'un qui m'a trouvé à l'école Estera Matutina qui m'a amené ici. Il m'a demandé où je vivais. Je lui ai dit que j'étais un homme de la rue. Il m'a demandé s'il pourrait me retrouver le lendemain. J'ai dit oui. Il est revenu et m'a retrouvé à cet endroit et m'a conduit jusqu'ici. Je m'appelle Petroni Nahonhuriye, je suis âgé de 101 années. Nous étions deux dans ma famille, l'autre est déjà décédé. Même celui que j'ai mis au monde n'est plus. Je vivais seul avant que les bienfaiteurs m'amènent ici. Je n'avais aucun membre de la famille. Ces propos ont été recueillis cette journée du 1er octobre à l'occasion de la célébration justement de la journée internationale dédiée aux personnes âgées. Et le psychologue Pierre Claver Ndjimana déclare que ce sont des personnes qui vivent dans des conditions difficiles au Burundi et parfois elles sont laissées à elles-mêmes. Il appelle le gouvernement burundais à ériger des centres d'accueil à travers différentes provinces du pays pour venir en aide à ces gens, même si le rôle des familles reste primordial. Suivez-le, il est au micro de Léonce Vitalio. Les hommes âgés, normalement, doivent être appuyés en premier lieu par les leurs, c'est-à-dire les membres de la famille. À défaut des membres de la famille, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit mettre en place des structures pour pouvoir prendre en charge ces personnes âgées. Des structures, comment et à quelle échelle? Par exemple, si l'État pouvait disposer des lieux par province pour pouvoir justement aider ces personnes âgées, et cela permettrait justement à préparer la vieillesse pour préparer leur fin de la vie. Quand est-ce qu'on peut parler de personnes âgées? On va parler d'une personne âgée surtout par rapport à l'âge, mais aussi par rapport à comment structurer le fonctionnement normal de la vie. Donc, une personne âgée se voit dans l'impossibilité d'organiser convenablement sa vie. Donc, les fonctions qu'elle exerçait au départ ne sont plus exercées parce que la personne n'a pas assez de force, n'a pas assez d'intelligence pour pouvoir accomplir la tâche convenablement comme elle le faisait avant. On dit également qu'il perd de la raison, l'intelligence. Oui, certaines d'entre eux, justement, lorsqu'ils sont très âgés, peuvent développer un trouble du comportement genre Alzheimer. Et c'est une maladie caractérisée par l'amnésie. Et quand je parle de l'amnésie, il faut entendre l'oubli pathologique. La personne ne peut pas se rappeler de son nom, ne peut pas se rappeler de ses enfants, ne peut pas se rappeler des activités qu'elle exerçait auparavant. Ce sont des personnes qui nécessitent vraiment un accompagnement de toutes sortes, de la part du gouvernement, de la part de la famille en général, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas vivre eux-mêmes. Et le gouvernement burundais dit avoir mené des actions pour soutenir les personnes âgées, dont l'exonération des aides destinées à cette catégorie de gens. Dans une déclaration sortie par le ministre des Droits de l'Homme à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée aux personnes âgées, Martin Nivyabandi parle également d'une étude commanditée par le gouvernement sur la gratuité des soins médicaux pour les personnes en âge avancé. Il reconnaît qu'il y a encore des personnes âgées confrontées à plusieurs difficultés. Suivez-le. Dans le cadre justement de cette protection, tout en n'étant pas exhaustif, les mesures suivantes ont été prises par le gouvernement du Burundi. La signature des conventions de partenariat avec les centres et associations œuvrant en faveur des personnes âgées, avec comme corollaire l'octroi des subsides annuels, le paiement des factures de l'eau et de l'électricité et l'exonération des biens et services destinés à cette catégorie en provenance de l'étranger. Visite et distribution des vivres et non-vivres à ces centres et associations, l'assistance médicale aux personnes âgées vulnérables, la pension ainsi qu'à la carte mutuelle de la fonction publique, sont accordés aux retraités. Aussi, au cours de l'année 2012, notre gouvernement s'est doté de la politique nationale de protection sociale et une stratégie nationale pour sa mise en œuvre est déjà en place, de même que le fonds d'appui à la protection sociale FAPS. Cette stratégie et ce fonds accordent une attention particulière aux groupes vulnérables en général et aux personnes âgées en particulier. Aussi, notre pays vient de se doter d'un plan national de développement 2018-2027, lancé le 22 août de cette année par Son Excellence, le Président de la République. Dans la province de Kitega, une attention particulière est accordée aux personnes âgées au niveau de l'orientation stratégique liée au développement du capital humain en ce qui est dit volet protection sociale. En plus de l'étude de faisabilité pour les soins de santé gratuits au profit de toutes les personnes âgées qui a été commandée par le gouvernement du Burundi, ce dernier a déjà aussi recommandé aux institutions de sécurité sociale de voir dans quelle mesure améliorer la pension liée à la retraite. Malgré toutes ces mesures prises par le gouvernement, nous sommes sans ignorer qu'il y a des personnes âgées qui se trouvent encore dans des conditions très critiques et d'autres qui viennent d'être retirées de la rue. Pour cette année, le thème international qui a été également retenu au niveau de d'autres pays est célébrer les champions des droits de la personne âgée. Martin Nivyavandi, ministre en charge des droits de l'homme au Burundi, cette journée a été officiellement célébrée en commune Guéta de la province Gitega. 1,5 million $ est la somme que le Japon a accordée au commissariat pour les réfugiés en vue du rapatriement des Burundais vivant dans les pays voisins comme la Tanzanie, le Kenya et la RDC. C'est l'annonce de la représentante du HCR au Burundi lors de la visite ce lundi de l'ambassadeur du Japon au Burundi à la représentation de cette organisation onusienne au Burundi. Huk Porti Kogo a indiqué que depuis le début du rapatriement au mois de septembre 2017, 15 000 Burundais sont rentrés. Suivez-la. Le Japon a toujours été un bailleur de fonds, un pays donateur au HCR, dans l'humanitaire, dans la protection des réfugiés, dans la documentation, l'enregistrement. Et ici, il nous assiste aussi pour le rapatriement des réfugiés en provenance des pays voisins, notamment de la Tanzanie, du Kenya, du Congo RDC, et éventuellement, il y aura d'autres qui vont revenir aussi. Donc, nous voulons organiser cette petite cérémonie pour dire un grand merci au Japon et au peuple japonais qui nous soutiennent dans nos efforts. Cette année plus particulièrement, le Japon nous a donné 1,5 million $ pour le rapatriement des réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie. Ces fonds nous ont aidés à rapatrier environ 15 000 personnes. Vous savez, le rapatriement a commencé depuis septembre 2017 et il va continuer pendant toute l'année et voire les années à venir. Et nous sommes touchés d'abord par ce geste du Japon et aussi nous souhaiterions que cette collaboration continue pour les années à venir, sachant que nous avons plus de 380 000 réfugiés burundais dans les pays voisins. Donc j'imagine que nous aurons un rapatriement dans les années à venir. Et nous savons compter toujours sur l'appui du Japon pour pouvoir faire rentrer les gens en dignité et en sécurité dans le pays. Et quant à l'ambassadeur du Japon, Takayuki Miyashita, il a fait savoir que le Japon va continuer à appuyer le HCR dans le rapatriement et la réinsertion des réfugiés burundais. Le collectif des survivants et familles des victimes du génocide des Hutus commis avant et après l'an 1972 demande aux autorités de la province Gitega d'enlever les pancartes qui ont été récemment implantées sur les fosses communes de Nyambero dans la commune de Guéta. Epiphany Kawushemeye, chargée de la communication au sein de ce collectif, indique que des symboles qui se trouvent sur ces pancartes, dont un œil qui pleure, n'honorent pas les morts. Suivez-la au micro de Placide Niyomwongere. Nous nous érigeons contre ces pancartes. Le fait d'avoir mis un symbole des satanistes, nous sommes convaincus que ça n'honore pas nos morts. Nous devrions respecter et faire respecter les morts et non pas associer la date de 1972 et même les autres dates à un symbole d'un monocle qui pleure. Pour le moment, qu'est-ce que votre collectif envisage faire? Notre collectif a dans ses chantiers le projet de construire un mémorial digne et véritable. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un conflit des collectifs lorsqu'ils voient qu'il y a déjà des pancartes qui sont en train d'être érigées sur ces forces-là? Non, il ne s'agit pas d'une certaine rivalité, mais nous aimerions que ces initiatives soient des initiatives qui honorent et non pas vraiment qui associent nos morts à des satanistes. Nous demandons à l'administration territoriale, c'est que vraiment ils fassent tout le possible, d'abord pour arrêter de telles initiatives qui ne s'inscrivent pas, non pas dans la ligne de la loi, mais aussi dans la ligne d'honorer nos morts. Et puis, on voudrait bien sûr que ça puisse être enlevé. Et l'organisation qui a érigé cette pancarte est connue de l'autorité provinciale de Gitega. Cependant, Venamanira Mbona précise que cette association n'a pas eu l'aval du gouverneur, raison pour laquelle cette pancarte doit être enlevée, dit Venamanira Mbona au téléphone avec Mireille Kanyang. Cette pancarte a été mise en place par un représentant d'une association de ceux qui ont perdu les leurs pendant les massacres de 1972. Au niveau de l'administration, nous savons qu'il y a eu des pertes de vies humaines pendant cette période. Il y a des gens qui veulent que les leurs ne soient pas oubliés. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont pu ériger ce pancarte-là. Mais le problème est qu'ils ont mis ce pancarte à l'insu de l'administration puisqu'il n'y a pas eu une autorisation qui avait été demandée auparavant. C'est pour cette raison que nous avons demandé à ceux qui ont mis en place ce pancarte de venir d'abord la lever en attendant que une décision future puisse être prise. Sinon, s'ils n'obéissent pas à cette demande, nous allons la lever nous-mêmes et puis l'affaire va être continuée. Nous savons que l'État a mis en place le CVR qui va statuer sur la suite réservée à tous les massacres qui ont eu lieu dans notre pays. C'est pour cette raison que nous voudrions que tout ce qui doit être fait en la matière doit suivre l'orientation du gouvernement, mais aussi doit suivre la réglementation en vigueur. Le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manirambona, la commission Vérité et Réconciliation, n'a pas de part de responsabilité dans l'érection de ce mémorial. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, qui préside cet organe, nous a déclaré qu'il n'a pas été consulté. Et dans l'actualité également, une note comprise entre 47,8% et 77,08% a été considéré pour l'admission à la faculté de médecine. 300 lauréats qui ont passé l'examen d'entrée édition 2017 ont été retenus et les 100 premiers seront admis d'office à l'Université du Burundi et les 200 autres ont le choix de s'inscrire soit à la faculté de médecine de l'Université d'Ngozi ou celle de l'Université Espoir d'Afrique. Les 3 premiers lauréats ont été primés et ces résultats ont été communiqués ce lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Gaspard Wanyangimbona. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.